The French Pod Audio Review. Let's start with the vocabulary. To love. Adorer. This. Cette. Song. La chanson. Not. Pas. Now, a bit faster. Song. La chanson. This. Cette. Song. La chanson. This. Cette. To love. Adorer. To love. Adorer. This. Cette. Now, use the words in context. Adorer. I love rock music. J'adore le rock. Cette. You don't like this music. Tu n'aimes pas cette musique. La chanson. It's a beautiful song. C'est une belle chanson. Aimer. You like hip-hop music. Tu aimes le hip-hop. Pas. Don't you? Pas toi? Adorer. I love rock music. J'adore le rock. Cette. You don't like this music. Tu n'aimes pas cette musique. La chanson. It's a beautiful song. C'est une belle chanson.